Vous avez de gros problèmes électriques et ne savez pas vers qui vous tourner? Les entreprises Roderick Piquette sont la solution. Une équipe d'expérience impliquée dans son milieu avec un service au comptoir complet qui solutionnera tous les problèmes résidentiels, que ce soit du fil, au câble, aux boîtes électriques ou toute autre pièce. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est branché, c'est notre spécialité. Osez demander. Les entreprises Roderick Piquette, 410 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. Toute notre équipe désire féliciter Shane Gauthier pour sa sélection avec les Blue Bombers de Winnipeg. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va commencer avec les Jeux du Québec qui se déroulent actuellement à Montréal et la région qui fait quand même bonne figure à ces Jeux du Québec. Notez qu'on a remporté une médaille d'or hier, il s'agit de Xavier Courchesne. En cycliste, du côté relais minime, le Saint-Jacques-Saint-Jean a remporté une médaille d'argent avec un temps de 27 minutes et également 5 secondes. En natation, notons une médaille d'argent pour Catherine Laberge et une médaille de bronze pour Léane Julien. Au golf, Adrienne Laforêt-Allard a signé une 5e place en triathlon et Catherine Chouinard a pris le 5e rang dans cette discipline. Et au niveau du triathlon, l'équipe de Saint-Jacques-Saint-Jean a pris le 6e rang avec un chrono de 1 minute 16 secondes et 55 centièmes et le 5e rang au cumulatif. Au niveau du soccer masculin, maintenant, l'équipe de Saint-Jacques-Saint-Jean a laissé filer une avance de 2 à 0 pour perdre 3 à 2. Et du côté du soccer féminin, défaite de 2 à 0 contre l'Estrie. Ce qui fait qu'au tableau des médailles, la région s'approche de son objectif. Il est la région qui possède maintenant 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 6 de bronze. On s'attendait à un objectif d'environ une vingtaine de médailles pour ces Jeux. Et au niveau des points, c'est la région est au 10e rang avec un total de 150 points. C'est la Rive-Sud qui est en avance. Il y aura une tâche du championnat canadien de vélo de montagne qui va se dérouler en fin de semaine à Saint-Félicien. Également, il y aura une tâche également du championnat québécois. En entrevue sur les ondes de dansledesport.com, il y a le responsable Martin Demers a quand même mentionné que c'est pas tous les athlètes qui seront à Saint-Félicien en fin de semaine en raison des Jeux du Québec, explique Martin Demers. Quand même une tranche du circuit canadien, fait qu'on s'attend d'avoir quand même plusieurs élites des autres provinces. Non, ça va être assez relevé. C'est sûr que c'est pas comme un championnat canadien, par exemple. Le championnat canadien est un peu plus relevé. Coupe Canada, bien, ça amène quand même des bons coureurs. On s'attend pas peut-être à avoir un record de participation, compte tenu que on vient de vivre 3 fins de semaine de compétition, là, une Coupe du Québec en Gaspésie, le championnat canadien, puis c'est nous autres, en même temps, on tombe en même temps que les Jeux du Québec. Un petit peu de trafic, on va dire, dans le monde. Mais on aura quand même une belle course. Il y a quand même à date, ça s'annonce quand même assez bien. Peut-être que la participation est un peu moindre, mais je pense que quand même les principaux acteurs, les principaux élites vont être là avec nos locaux. Avec aussi, le dimanche, une Coupe du Québec, en fait, c'est une Coupe d'une tranche circuit régionale. Je pense qu'on va quand même une belle représentation et un beau spectacle quand même. Et le parcours est vu comme un parcours assez difficile pour les coureurs, explique le responsable de l'activité. Je pense que c'est quand même un parcours difficile. Cette année, on a peut-être allongé un peu le parcours du cross-country de peut-être 1 km pour peut-être l'alléger un peu. L'an passé, au cross-country canadien, ça avait été assez difficile. Aussi, compte tenu de la température, il n'y avait pas tellement été très bonne l'an passé avec le parcours, la section de la montagne, on peut parler, là, qui est face aux spectateurs, c'était assez détérioré. C'est pour ça que là, on a rallongé un peu pour changer ça un petit peu, que ça va être un peu plus facile. Le lendemain, le contre-la-montre, c'est un parcours de 10 km, est encore là, en pointant des sections sur l'écran, qui est un peu une renommée chez nous. OK. Et je termine avec du soccer. Il y avait un match qui nous intéressait hier, défaite de Saint-Félicien 4 à 0 contre Robertval. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Patrick Topiano de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini, où on parle de la semaine de l'association. Également, on peut écouter l'entrevue de Michel Lallemand, Rémi Kirkness, qui parle également de la grosse fin de semaine de golf à Saint-Prime. Le sport local et régional, à danradiosport.com, à son équipe.